Et dans 150 ans, on s'en souviendra pas de mon tout premier bide, de tous mes mauvais choix, de mes musiques chiantes, de mes chansons ringardes, du succès de Lori et de la guerre du Tchad, de ce monde pourri où y a des gens qui crèvent de faim, de froid ou pire. Y en a qui chopent la crève, y en a qui se font violer, défoncés par des blacks, pendant que toi, peinard, tu regardes la Starac. Alors souris. Et dans 150 ans, on s'en souviendra pas de cette pauvre misère qu'il se passe ici-bas, de l'enfant qui se meurt et puni par sa mère seulement parce qu'il a découpé son beau-père, des juifs et la Shoah, des noirs et l'esclavage, des génocides atroces, et puis de faf la rage. Y en a qui sont méchants et qui mangent du bœuf, pendant que toi tu te branles devant RTL9. Alors souris. Et dans 150 ans, on n'y pensera même plus, à mes chansons paumées, à mes albums perdus. Alors amusons-nous, profitons de la vie. Six guitares, les garçons, alors violon, les filles. Franchement, même les squelettes nous regardent de travers. Franchement, ça, c'est pas chouette, je crois que je vais le dire à mon père. Y en a qui vivent tout seuls, qui en ont marre et qui triment. Franchement, là, pour cette phrase, j'ai trouvé aucune rime. Alors, tant pis. Et dans 150 ans, peut-être bien que moi, je serai mort et enterré depuis longtemps déjà. J'emmerderai plus personne avec mes chansons à texte, aussi nulles que Carlos et que les vannes de Tex. Puis rien d'autre à dire, j'ai écrit mes idées sur ma table en bois blanc, oui, j'avais plus de papier. J'espère que t'auras compris ma chanson SMS, écrite à la sueur de mon front et au poil de mes fesses. Alors, merci.